Salvador sur un territoire moitié moins grand que la France et moitié moins peuplé, les guerres civiles des années 80 ont tué 160 000 personnes et provoqué le déplacement de 2 à 3 millions d'autres. Monsieur X, qui semble très bien connaître l'Amérique centrale, nous a souvent parlé de ces pays, encore récemment en évoquant cette ridicule mais meurtrière guerre du foot qui a opposé le Honduras et le Salvador en 1969. Mais s'il revient aujourd'hui sur les événements qui ont ensanglanté ce dernier pays, c'est que cette guerre scélérate, pour reprendre l'expression de notre ancien ambassadeur au Salvador, Alain Rouquier, a été aussi un terrain d'expérimentation grandeur nature pour les États-Unis. Il s'agissait, sur fond de guerre froide, de juguler la contagion marxiste et donc d'adresser un sérieux avertissement aux autres pays de la région qui seraient tentés de rompre avec le grand protecteur nord-américain. Et ce dossier est particulièrement actuel à l'heure où, les uns après les autres, les États d'Amérique latine virent à gauche. Une citation avant d'écouter M. X. En décembre 1980, un journaliste du New York Times interviewe Napoléon Duarte, un démocrate chrétien qui vient, curieusement, d'accepter de présider la junte qui vient de s'emparer du pouvoir au Salvador. Pourquoi, lui demande ce journaliste, existe-t-il une guérilla dans les collines? Et Duarte de lui répondre avec une grande lucidité. 50 ans de mensonges, 50 ans d'injustice, 50 ans de frustration, c'est l'histoire d'un peuple crevant de faim, vivant dans la misère. Pendant 50 ans, ce sont les mêmes qui ont eu tout le pouvoir, tous les emplois, toute l'éducation, toutes les opportunités. Dans les années 70, le petit Salvador est un véritable chaudron. Il y a d'abord la surpopulation, une densité démographique qui ne cesse de s'accroître à cause d'un taux de natalité très élevé. Et puis cette guerre du foot dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, encore ajoutée à ces difficultés. La guerre du foot, oui. Et puis qui a eu pour conséquence le rapatriement forcé de tous les Salvadoriens qui avaient émigré au Honduras voisin. Autant de pauvres sans travail qui viennent grossir les bidonvilles. Car le vrai problème du Salvador, c'est la terre. Ou plutôt, le manque de terre. Oh, certes, il existe de grandes latifundias qui produisent café, canne à sucre, coton et bananes, mais elles appartiennent à une poignée de privilégiés. Les 14 familles, comme on dit là-bas. Oui, ils n'ont même pas 200. Des propriétaires qui n'ont pas hésité à chasser les paysans pauvres. Ouais, pour s'approprier leurs terres. Bien évidemment. Et c'est tellement caricatural que selon les chiffres officiels, 0,5% de propriétaires possèdent presque 40% des terres. Ouais. La réforme agraire apparaît donc nécessaire. Et c'est l'une des principales revendications de l'opposition de gauche. Ouais. Alors justement, là, avant que n'éclate la guerre civile, quelle est la situation politique au Salvador? Oh, elle est très chaotique. De putsch en putsch, de fraude électorale en fraude électorale, ce sont les militaires qui tiennent la barre. Des militaires qui sont bien sûr soutenus par les privilégiés. Ah oui, c'est la garantie qu'on ne touchera pas leurs intérêts. Mais en même temps, les oppositions de toute nature grandissent dans le pays. À l'extrême gauche, il se crée des groupes clandestins armés. La gauche légale, elle, est représentée classiquement par les syndicats. Cependant, de plus en plus, ces idées sont relayées par le clergé catholique qui rejoint le combat des paysans les plus pauvres contre les grands propriétaires terriens. C'est ce qu'on a appelé la théologie de la libération. Exactement. Mmh. Et certains des prêtres ont engagé le perron de leur vie, comme ce jésuite Rutilio Grande qui sera assassiné par des militaires en 1977. Et la hiérarchie catholique, alors? Bah, elle avance généralement à reculons. Mais quelques évêques vont être entraînés dans ce mouvement de contestation qui prend au fur et à mesure des accents révolutionnaires. Il y a aussi, si je me souviens bien, là, l'assassinat de l'archevêque de Salvador. Hein. Monseigneur Romero, oui. Ouais. Mais on en reparlera. Il faut dire, afin d'expliquer ce glissement progressif du clergé vers la contestation de l'ordre établi, et même l'action violente, que les injustices sont criantes. Un seul exemple. Un grand propriétaire qui appartient à l'une de ces fameuses 14 familles expulse par la force les paysans dès qu'ils ont défriché leurs terres. Ouais, et puis il en prend aussitôt possession. Et bien entendu, l'opposition de gauche au régime prend aussi dans les villes la forme de mouvements de grève et de manifestations toujours plus nombreuses. Mais il n'y a pas que la gauche qui bouge. À l'extrême droite aussi, on voit apparaître des mouvements prêts à user de la violence et qui seront d'ailleurs à l'origine de la formation de commandos paramilitaires, les escadrons de la mort. Ouais. Donc, si je résume, les tensions ne cessent de monter. Et l'explosion semble inévitable. On en a une première illustration en 77, lors de l'élection présidentielle. Après une campagne électorale jalonnée de multiples violences et même d'assassinats, le candidat gouvernemental, soutenu par l'armée, est déclaré vainqueur, grâce à la fraude électorale. Aussitôt, l'opposition de centre-gauche et la gauche organisent une imposante manifestation de protestation. Elle est immédiatement encerclée par les forces de sécurité qui ouvrent le feu. Ouais, alors il doit y avoir de nombreux morts. Et peut-être des centaines. Sans compter les arrestations, parfois assorties d'actes de torture. Naturellement, les autorités ont rejeté la responsabilité de ce massacre sur des communistes étrangers, coupables d'avoir manipulé la foule. En tout cas, ces événements ont eu une conséquence immédiate. Comme l'exercice du droit de vote ne permettait pas au peuple de s'exprimer, des militants de plus en plus nombreux vont décider de choisir l'action armée. Et donc la clandestinité. Et en retour, les escadrons de la mort passent à l'action en s'attaquant en particulier aux travailleurs sociaux, laïcs ou religieux. L'un de leurs slogans est alors « Sois patriote, tue un prêtre ». Oui, c'est terrifiant. Oui, ça montre bien dans quelle spirale infernale le Salvador est en train de glisser. Une parenthèse avant de poursuivre. À la fin des années 70, le locataire de la Maison Blanche est alors Jimmy Carter. Et Carter qui s'affiche, en principe, comme le champion des droits de l'homme. Et demande alors au dictateur sud-américain, contre l'octroi de subventions états-uniennes, de mettre un terme aux violations de ses droits de l'homme. Et certains, tels les Brésiliens ou les Salvadoriens, feront la sourde oreille. Toutefois, les bonnes intentions de Carter n'empêchent pas quelques membres de son administration de n'en faire qu'à leur tête. Ainsi, il est certain que des agents de la CIA et des militaires américains ont donné un coup de main aux dirigeants des escadrons de la mort. De quelle façon, alors? En les encadrant ou en participant à leur formation. Bon, je referme la parenthèse. Fin 1979, un groupe de jeunes officiers sincères et plutôt idéalistes décide de mettre fin au désordre et aux exactions. Et ils renversent sans effusion de sang le président de la République et constituent une junte. Mais pas une junte composée uniquement de militaires. Ouais, il y aura des civils aussi, alors. En effet, un certain nombre de personnalités qui appartiennent à des partis démocratiques. Et d'emblée, cette junte inédite annonce un vaste programme de réformes. De réformes très ambitieuses, et en particulier dans le domaine agraire. Mais ça ne pouvait pas durer très longtemps. C'est-à-dire, ils vont être renversés à leur tour? Non, ça a été plus subtil que cela. Ces jeunes gens étaient aussi pourvus de bonne volonté qu'inexpérimentés, et des officiers plus âgés les ont rapidement pris en main. Mmh. Et leur ont fait comprendre que leur programme de réforme était inopportun. Bah, évidemment. Ouais. Et bientôt, toutes ces personnalités civiles associées à la junte ont été mises à l'écart et ou ont perdu toute influence. Mais ils ont continué à faire office de potiches. Bah, c'est exactement ça. Quoi qu'il en soit, ce nouveau pouvoir n'a nullement réussi à mettre un terme à la violence exercée par les forces de sécurité. Bien au contraire. Et rien que dans le premier mois d'existence de ce gouvernement réformiste, il y a eu plus de morts que dans les 9 mois précédents. Ah oui, effectivement. Un échec, alors. Ah, très grave, oui. Car il a mis fin aux illusions de tous les modérés qui pensaient qu'un changement pacifique pouvait avoir lieu au Salvador. Imaginez que même le Parti communiste avait accepté de soutenir ce gouvernement. Donc le Parti communiste va se retirer? Et bientôt appeler ses militants à rejoindre la guérilla, oui. Naturellement, tous les autres ministres civils vont peu à peu démissionner. On verra même l'un de ces ministres, celui de l'éducation nationale, annoncer à la télévision en même temps sa démission et son enrôlement dans un mouvement clandestin armé. Oui, c'est inédit, ça. Mais comment réagit Washington devant cette aggravation de la situation au Salvador? Bah, faut d'abord savoir que la Maison Blanche était alors bien embarrassée. 3 mois avant le coup d'État, des jeunes officiers salvadoriens au Nicaragua voisin. Les sandinistes venaient de chasser le dictateur Somoza. Un dictateur, Somoza, qui avait toujours été soutenu par les États-Unis. Et à Washington, on avait très peur que les sandinistes de Daniel Ortega ne rejoignent le camp socialiste. Ouais, un deuxième Cuba dans leur arrière-cour. Ouais, c'était difficilement acceptable. Même pour le très consensuel Jimmy Carter. Et à la Maison-Blanche, on a assez vite compris que le Salvador risquait de prendre le même chemin si le régime continuait à massacrer ses opposants. Par conséquent, à Washington, on a fait tout ce qu'on pouvait pour encourager les jeunes putschistes. Mmh, les jeunes putschistes réformistes. Ouais. Ouais. Et la déception américaine a dû être à la hauteur de l'attente. Bah, forcément, tant la violence allait progressant. Le putsch a eu lieu à l'automne 79. Lorsque vient la nouvelle année, presque tous les ministres civils ont démissionné. À la fin de ce même mois, les opposants manifestent. L'aviation commence d'abord à les arroser avec du DDT. Ouais. Et puis lorsque la foule arrive sur la grande place de la capitale, des tireurs juchés sur les toits ouvrent le feu. Il y a encore une vingtaine de morts. Et ça n'est qu'un début. Mmh. Le putsch des jeunes officiers est donc bien oublié. Et dans l'ombre, des hommes ont décidé de franchir un cran supplémentaire. Tidi Hallman, un journaliste états-unien, décrit dans son livre « Un destin ambigu » le Salvador tel qu'il l'a observé à l'orée des années 80. Après avoir constaté l'extrême misère de la majorité de la population, il écrit ceci. On pouvait conduire pendant des heures sans jamais voir d'enfants portant des livres. Mais les hommes armés étaient partout, arrêtant les automobiles, surveillant les buvettes, observant ceux qui osaient aller à la messe ou acheter le journal ou parler à un étranger. Dans ce pays tropical inondé de soleil, l'ombre froide de la peur était partout. Guerriers exclus, il n'y avait pas moins de 10 forces armées dans ce minuscule pays. À côté de l'aviation, de la marine et de l'armée, on trouvait la garde nationale, la police financière, en fait, une unité contre-terroriste entraînée par les Américains. Et puis il y avait l'Orden, l'organisation paramilitaire fondée avec la bénédiction des États-Unis pour agir, selon l'explication officielle, comme une barrière contre les efforts des communistes pour introduire la subversion dans les campagnes. Orden était secondé par les forces de sécurité officieuses anticommunistes, dont l'une, les guerriers blancs, s'étaient donné pour tâche de purger le Salvador des jésuites et autres communistes. Mais c'est le nom d'un groupe de tueurs formé d'officiers en activité, en disponibilité ou à la retraite, qui expliquait le mieux la philosophie et la stratégie du conflit. Le nom « Phalange » signifiait « Forces armées de libération anticommuniste guerre d'élimination ». Ici, il faut parler d'un homme qui a joué un rôle particulièrement maléfique au Salvador. Le major Robert d'Aubusson. D'Aubusson, un nom français, tiens. Mm-hmm. Et qui est-ce? Ou plutôt qui il était, car le cancer l'a emporté en 1992. D'Aubusson était un ancien agent de renseignement de l'armée salvadorienne, formé aux États-Unis, comme beaucoup d'autres militaires. Pour vous donner une idée de la personnalité de cet individu, il me suffira de citer ses propres paroles. Un jour, devant des journalistes allemands, il a fait l'éloge du Troisième Reich en déclarant à peu près ceci. « Vous, les Allemands, vous êtes intelligents. Comme vous avez compris que les Juifs étaient les propagateurs du communisme, vous les avez tués. » Ah oui, joli personnage. D'Aubusson était le véritable chef de ces escadrons de la mort dont je vous ai parlé. Et à ce titre, il était responsable de la mort de centaines, peut-être même de milliers de guerrieros ou de personnes simplement soupçonnées d'avoir des sympathies pour l'opposition de gauche. Un ancien ambassadeur états-unien en poste au Salvador a même pu le qualifier d'assassin psychopathe. En tout cas, au mois de mars 1980, D'Aubusson décide de frapper un grand coup. Ah oui, alors c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'assassinat de l'archevêque Romero. Ben oui, il y a déjà longtemps que Romero gêne le pouvoir. Mmh. Quoi, à cause de ses prises de position? Bien entendu. Dans ses homélies, l'archevêque ne cesse de dénoncer l'armée et la violence exercée sur les plus pauvres. Pire, il s'était même adressé au président très chrétien, Jimmy Carter, pour lui demander de cesser d'aider financièrement l'armée salvadorienne. Le lendemain, au cours d'une messe dans la cathédrale, le prélat se retourne pour bénir les fidèles lorsqu'il est abattu. Une seule balle, tirée par une arme d'une grande puissance. Et par un spécialiste, j'imagine. Bah, un homme très entraîné, qui, bien sûr, ne sera jamais identifié. Oui, a-t-on vraiment cherché à le retrouver? Bah, on peut en effet se poser la question, mais il fait aujourd'hui aucun doute, c'est Robert d'Aubusson qui se trouvait derrière ce meurtre. Mais j'imagine que l'assassinat d'un personnage de cette importance a dû provoquer un choc dans le pays. Bah, évidemment. Et lors des funérailles, une foule immense s'est rassemblée devant la cathédrale. C'est alors qu'une bombe a explosé au milieu de cette masse humaine, déclenchant une panique mortelle. bousculades, tirs de l'armée, on relèvera des dizaines de morts. Malgré ces événements dramatiques, Washington ne change pas de politique. Quelques jours après l'assassinat de l'archevêque, le Congrès américain autorise même un accroissement de l'aide militaire. Explication. Pour Carter, le vertueux, la priorité est maintenant la lutte contre le communisme. Et alors ça veut dire que la lutte pour les droits de l'homme passe au second plan. Et c'est malheureusement la vérité. Toutefois, au Salvador même, cela pousse 5 mouvements d'opposition à s'unir et à créer d'abord le FDR, le Front démocratique révolutionnaire, qui sera en quelque sorte la vitrine légale de la guérilla. Puis, un peu plus tard, apparaît le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, le FMLN, un mouvement uni qui s'engage clairement dans l'action armée. Mais la référence à ce Martí doit être aussi symbolique. Oui, Farabundo Martí avait été l'un des meneurs d'une insurrection populaire dans les années 30. Arrêté par l'armée, il avait été exécuté, et depuis c'était une sorte d'icône des défavorisés. En tout cas, ça veut dire que le FMLN, c'est ça, a choisi la voie armée. Et il lance dès le mois de janvier 1981 un mot d'ordre d'insurrection générale. Auparavant, en octobre, je crois, tous les membres du conseil exécutif du FDR... C'est cette vitrine légale, avez-vous dit. Oui, c'est ça. Donc tous les dirigeants sont arrêtés, torturés et étranglés. Et pas moins. Et puis un peu plus tard, 4 ressortissantes états-uniennes, dont 3 religieuses, sont assassinées par un escadron de la mort. Et là, le président Carter est obligé de réagir, non? Oui, et c'est le cas à chaque fois qu'on touche un citoyen américain, n'importe où dans le monde. En conséquence, Carter suspend l'aide militaire. Mais ça ne va pas durer. En janvier, quelques jours avant de quitter la Maison Blanche et de laisser les clés à son rival victorieux, Ronald Reagan, le président états-unien octroie 10 millions de dollars d'aide à l'armée salvadorienne et annonce l'envoi de nouveaux conseillers militaires. J'avoue là, j'ai du mal à suivre. Hein. Surtout quand vous saurez que ce même Carter déclarera seulement 2 ans plus tard « Le gouvernement du Salvador est l'un des plus sanguinaires de l'hémisphère ». Ah ouais, il l'a aidé quand même. Alors j'imagine que Reagan, lui, ne regarde scrupules. Oh, c'est évident. Pour le nouveau président, la seule expression « respect des droits de l'homme » sans son gauchiste ou son communiste. Il n'hésitera donc pas à venir massivement en aide au pouvoir salvadorien. Livraison d'équipements à flot continu, formation des militaires. Ce sont des centaines de millions de dollars qui sont apportés à l'armée salvadorienne au prix d'une véritable manipulation de l'opinion nord-américaine. Et dans le même temps, les effectifs militaires explosent. Attendez, avant de voir cela, revenons à ce que vous me disiez, ce mot d'ordre d'insurrection générale lancé par la guérilla. L'offensive est lancée au début janvier 1981, avant même que Reagan ne soit installé à la Maison-Blanche. Ce n'est pas un hasard. Les dirigeants de la guérilla veulent mettre le futur président états-unien devant le fait accompli, c'est-à-dire, après le Nicaragua, une nouvelle victoire révolutionnaire en Amérique centrale. C'est donc, je pense que la guérilla se sent alors capable d'emporter rapidement la victoire. Ah, ça c'est certain, oui. Mais les dirigeants de l'insurrection ont présumé de leur force. Et surtout, l'appui populaire, indispensable, ne va pas être aussi massif qu'ils l'espéraient. Et même si certains militaires vont se rallier, ça ne suffit pas pour vaincre. Conclusion, les rebelles sont contraints d'évacuer les villes et se réfugient à la campagne ou dans les montagnes. Et ils vont s'y installer durablement et contrôler des régions entières, d'où l'armée sera impuissante à les déloger. Alors ça veut dire que la guerre civile s'installe. Et ce conflit de basse intensité, comme disent les stratèges, durera une dizaine d'années. Bon, n'allons pas trop vite. Oui, comme d'habitude. Hein. Oh, écoutez, un autre facteur a joué contre les révolutionnaires. Lorsqu'ils déclenchent leur offensive générale, c'est le démocrate chrétien Duarte qui préside la junte. Ce qui est un peu bizarre, non? Duarte est une sorte de caution démocrate. Mais ce faisant, il couvre les exactions des militaires. Sans doute. Cependant, pour les États-Unis, c'est l'homme indispensable. Et d'ailleurs, il bénéficiera toujours du soutien de Washington, en tout cas. Duarte, même si on peut critiquer son attitude, n'est pas un dictateur comme a pu l'être Somoza dans le Nicaragua voisin. Par conséquent, il est plus difficile d'engager les masses populaires à lutter contre lui, d'autant que des premières mesures de réforme ont été adoptées. Et puis, il reste l'espoir que ce civil arrivera à juguler les excès de l'armée. Oh, un espoir ténu, car les forces armées se livrent à de véritables massacres, comme à El Mozote et l'Oradour salvadorien. Alors, précisément, que s'est-il passé? En décembre 81, l'armée décide d'une action d'envergure dans un secteur où la guérilla est omniprésente. Et comme les assassins de la division d'Asrech à Oradour, les militaires salvadoriens, appartenant à un bataillon anti-insurrectionnel formé aux États-Unis, investissent le village d'El Mozote. 1000 habitants, principalement des femmes, des enfants et des vieillards, sont regroupés dans des bâtiments comme l'église ou le presbytère. Puis ils sont mitraillés ou tués à la machette. Et pour bien s'assurer qu'aucun sympathisant des guérilleros ne survivra, les soldats mettent le feu. Et c'est effectivement ce qui s'est passé à Oradour. Hein. Oui, tout à fait. Mais l'affaire a quand même fait du bruit. Washington, mis en cause, puisque ses militaires avaient été entraînés dans un fort états-unien, a prétendu qu'il s'agissait d'une provocation du FMLN, destinée à déconsidérer le gouvernement de Duarte. Quant à l'armée, elle a soutenu que les villageois avaient été victimes d'un échange de tirs avec la guérilla. Mais les fouilles effectuées depuis sur le site du village ne laissent aucun doute sur la réalité du massacre et la responsabilité de ses auteurs. En tout cas, pour vous, là, dans cette affaire, les Américains n'ont pas les mains propres. Hein. C'est certain. C'était presque inévitable, tant il y avait le désir dans l'administration états-unienne de faire du Salvador un test. Un test, c'est-à-dire? Reagan voulait à tout prix montrer sa détermination à lutter avec la plus grande fermeté contre les mouvements révolutionnaires qui bouillonnaient en Amérique latine. Mais en même temps, il désirait donner une touche de respectabilité à cette junte qu'il soutenait à bout de bras. D'où l'aide apportée à Duarte. Alors. Oui, mais oui. C'est apporté au crédit de Reagan. Pour une fois que vous lui accordez un bon point. Oh, bah, je vous en prie. Je veux simplement dire que si Ronald Reagan avait écouté les faucons de son administration, il aurait plutôt soutenu Robert d'Aubusson. Le tueur psychopathe. En effet, quoi qu'il en soit, la Maison-Blanche va se livrer à une manipulation d'importance en montant de toutes pièces un dossier d'accusation contre la guérilla salvadorienne. En fait, et sans déflorer la suite du récit de M. X, l'implication de Washington au Salvador participe aussi de la lutte accrue que veut mener Reagan contre l'URSS. Ainsi, voici ce qu'écrit l'ancien ambassadeur Alain Rouquier dans son ouvrage intitulé « Guerre et paix en Amérique centrale ». Cette tactique du croque-mitaine, appliquée à l'Amérique centrale, relève d'une stratégie globale de grande ampleur qui a montré son efficacité. Il s'agit pour les États-Unis, première démocratie industrielle du monde, de déstabiliser l'Union soviétique en lui faisant payer très cher son expansionnisme. Fini pour elle, l'époque des succès au moindre coût, les satellites en série et sans frais. Washington va faire désormais monter les enchères sur tous les plans, régional autant que stratégique. En matière de course aux armements, comme dans le domaine de l'aide aux formations politiques et aux régimes amis. La politique musclée en Amérique centrale est en quelque sorte le pendant de la guerre des étoiles, la stratégie défense initiative dans le domaine des rapports stratégiques. Deux membres du Conseil national de sécurité résument ainsi la politique suivie. Il faut forcer l'URSS à se tourner vers elle-même, à passer de la conquête à la réforme. Nous devons forcer notre adversaire principal à assumer le fardeau de ses insuffisances économiques. Alors, cette manipulation, puisque c'est le mot que vous avez employé. Fin février 1981, c'est-à-dire un peu plus d'un mois après l'investiture de Ronald Reagan, Washington publie un livre blanc sur le Salvador. Dès l'intitulé, on comprend. Il y est question des ingérences communistes au Salvador et des livraisons d'armes à la guérilla. Livraisons opérées par les puissances de l'Est. Hanoï, en particulier, aurait envoyé au Salvador des stocks de fusils d'assaut abandonnés par l'armée américaine. Et j'imagine qu'aux États-Unis, enfin, quelques années seulement, après la fin de la guerre du Vietnam, l'information doit faire mouche. Hein. Ah, forcément. Bref. Le Salvador serait victime d'un complot communiste et donc d'une agression extérieure fomentée par l'Est. Les escadrons de la mort sont présentés comme des combattants de la liberté et les religieuses et les prêtres sont tout simplement des agents du Kremlin. D'ailleurs, et ça n'a rien à voir avec ce livre blanc, il faut noter qu'au Salvador, on verra de plus en plus d'envoyés des églises évangéliques américaines. des missionnaires qui, eux, ne seront nullement révolutionnaires, bien au contraire. Donc pour vous, ce livre blanc est un tissu de mensonges? Pas tout à fait, non. Comme dans toutes ces opérations de désinformation dont les soviétiques étaient les champions, il y a une petite part de vérité. Quoi alors? Le FMLN, la guérilla salvadorienne, a bénéficié au début tout au moins de livraisons d'armes du Nicaragua. Les sandinistes. Oui, c'était une faute politique. Parce que les Américains qui surveillaient électroniquement toute la région en ont obtenu rapidement la preuve. Alors, ça leur a permis d'affirmer que le camp de l'Est était impliqué. Bien sûr. Et le secrétaire d'État de l'époque, Alexander Haig, a pu solennellement déclarer que les autorités américaines possédaient la preuve irréfutable que les insurgés du Salvador étaient dirigés par des agents étrangers. Ça rappelle quelque chose, ça. Oui, là, je suis d'accord. Colin Powell et son discours à la tribune de l'ONU. Oui, ouais, ça, bon, tout le monde quoi qu'il en soit, pour l'opinion états-unienne, ça justifiait par contre-coup l'aide massive que Washington entendait apporter à la lutte anti-subversive du régime salvadorien. Encore que, il faut bien le dire, hein, la plupart des citoyens des États-Unis se moquaient bien de ce qui pouvait éventuellement se passer au Salvador, dont beaucoup ignoraient même où ce tout petit État se trouvait. C'est exagéré, non? À peine. L'important pour le citoyen moyen, c'est qu'après les années Carter, l'Amérique était de retour, comme le clamaient les slogans des partisans de Reagan. Une Amérique qui n'hésitait plus à montrer ses muscles. Toutefois, en dehors des États-Unis et des pays les plus proches de ces derniers, le livre blanc n'a guère fait illusion. Parce qu'on a compris que c'était de la propagande. Et un habillage propre a donné une apparence de légitimation à l'action de Washington au Salvador. Washington, qui face à une guérilla de plus en plus efficace, devait chaque jour s'impliquer davantage, avec tous les risques de bavure que cela comportait, torture, exécution sommaire, viol. D'accord, mais il n'y avait pas de combattants états-uniens sur le terrain. Certes, mais il y avait des mercenaires payés par Washington. Et puis, ces militaires salvadoriens qui commettaient ces horreurs sortaient directement des camps d'entraînement américains. En outre, sur place, les conseillers militaires ne pouvaient pas ignorer les exactions perpétrées par les soldats salvadoriens. Donc, conclusion, les États-Unis étaient complices. Absolument. Je ne le dis pas par anti-américanisme. Des journalistes états-uniens ont souligné bien avant moi la responsabilité de leur pays dans cette sale guerre. Toutefois, à Washington, on se rend bien compte que la situation devient de plus en plus périlleuse. Oui, à cause des scandales éventuels qui pouvaient éclater. Ça joue un rôle, c'est sûr, mais ce qui tracasse surtout Reagan et ses proches, c'est la montée en puissance de l'extrême droite. À El Salvador. Bien sûr. Déjà, lors des élections législatives de 1982, élection auxquelles la guérilla a refusé de participer, les partisans du major d'Aubuisson, réunis au sein du parti Arena, sont arrivés en tête, à tel point que Duarte a dû quitter le pouvoir. Or, en 1984, il doit y avoir une élection présidentielle. Et à Washington, on craint par-dessus tout que Robert d'Aubuisson ne soit élu. À cause de sa détestable image. Et de sa non moins détestable réputation d'assassin, ouais. Les Américains vont donc peser de tout leur poids pour faire élire son adversaire, Napoléon Duarte. Encore lui. Et c'est le seul en qui Washington ait confiance. Le seul aussi qui ait assez de charisme pour tenter de sortir son pays de l'ornière. L'élection a donc lieu, même si une nouvelle fois la guérilla a décidé de boycotter le scrutin. Et Duarte est élu. Mais d'Aubuisson a quand même obtenu plus de 46% des suffrages. Ah, 46% pour l'extrême droite, c'est quand même énorme. Ah oui, mais ça n'est qu'un début. Au cours de la campagne électorale, Duarte a promis d'amorcer un dialogue avec la guérilla. Et effectivement, des contacts sont pris, et même une amorce de négociation. Mais les délégués gouvernementaux adressent un ultimatum aux rebelles, et ça tourne court. Les États-Unis ont-ils joué un rôle là, dans cette rupture? Obligatoirement. Mais bientôt, la Maison-Blanche va être empêtrée dans l'affaire des Contras. Oui, le financement clandestin des contre-révolutionnaires nicaraguayens. C'est ça. Ouais. Et donc, la Maison-Blanche va mettre de l'eau dans son vin et favoriser de nouvelles négociations. En 1987, une conférence de paix réunit 5 pays d'Amérique centrale, tous plus ou moins concernés par la présence de guérillas et surtout préoccupés par la déstabilisation de la région. Mais cette initiative n'empêche nullement la guerre civile de se poursuivre au Salvador. Toutefois, en 1989, la donne change. lors de l'élection présidentielle, c'est le candidat du parti de Robert d'Aubusson qui est élu. Ouais, c'est le candidat, mais pas lui-même. Hein. Mm-hmm. L'extrême droite est donc au pouvoir, là, oui, réellement. Oui, oui. Mm-hmm. Et à Washington, on fait la grimace. Mais attention, ce n'est pas d'Aubusson qui a gagné, mais un de ses proches, Alfredo Cristiani. Ah oui, et quelle est la différence? De l'avis général, Cristiani est plus modéré. Il est aussi plus présentable. Ah ouais, d'accord. Et comment la guérilla réagit-elle? Elle espère que l'élection d'un membre de la droite musclée va radicaliser la situation. Une sorte de clarification. C'est en effet plus simple de lutter contre un gouvernement d'extrême droite que de s'attaquer à un président démocrate chrétien. Et fin 1989, le FMLN lance une attaque d'envergure dans les quartiers populaires de San Salvador. L'armée réagit avec une extrême brutalité et l'aviation bombarde les positions de la guérilla. Dans la ville? Oui. Et naturellement, comme toujours, ce sont d'abord les civils qui trinquent. Ouais. C'est donc le retour très marqué hein, de la violence. Ouais, et en novembre, des hommes en uniforme s'introduisent dans l'université et tuent 6 jésuites, dont le recteur. Tous étaient des intellectuels réputés. Pourtant, malgré ce regain de brutalité, la situation évolue peu à peu. Expliquez, non? Il y a d'abord la lassitude. La guérilla a du mal à mobiliser ses effectifs, s'amoindrissent. Mais ce qui a surtout radicalement changé, c'est le contexte international. Attendez, oui, c'est l'implosion inéluctable de l'Empire soviétique. La fin de la guerre froide ruine les arguments de Washington qui soutenait le pouvoir salvadorien au nom de la lutte contre le communisme. D'autre part, les pays voisins pressent les guérillos d'abandonner le combat. On s'achemine donc vers la table de négociation. Toutefois, les adversaires veulent négocier en position de force. Donc, la guerre civile se poursuit encore quelques temps avant que le secrétaire général de l'ONU, le péruvien Javier Pérez de Cuellar, n'arrive à obliger les représentants des deux parties à signer un traité de paix au début de 1992. Mais sur quelle base? La réintégration des guerrilleros dans la vie civile, la réduction de moitié des effectifs de l'armée, l'épuration des officiers coupables d'atteinte aux droits de l'homme et une vraie réforme agraire. Ouais, cette réforme tant attendue. Et esquissée sous le règne de Duarte, oui. Mais bien souvent, les paysans à qui on donnait des terres étaient peu après expulsés par les grands propriétaires. Mais je note que, paradoxalement, c'est un représentant de la droite dure qui fait la paix. Mais en a-t-il été autrement lorsque Begin, le dur de dur, a signé un traité de paix avec Sadat? Est-ce que cette paix salvadorienne a été respectée? Plus ou moins, oui. En 1993, une dizaine de militants du FMLN, devenus un parti politique, sont tombés sous les balles d'une organisation extrémiste. Et puis, il y a eu ces soupçons de fraude lors des élections successives. Enfin, si aujourd'hui la paix civile est acquise, le Salvador paie encore les conséquences d'une décennie de violence. Enlèvements, assassinats, méfaits du grand banditisme font encore le lot quotidien des Salvadoriens. Ouais. Et pour conclure, alors, comment expliquer l'attitude des États-Unis? Fondamentalement, je crois qu'à Washington, on était encore obsédé par le naufrage vietnamien. Et pour reprendre l'expression en usage à l'époque, les États-Unis avaient peur que le domino salvadorien ne tombe. Ah oui, en entraînant dans sa chute les autres dominos d'Amérique centrale. Et c'est pourquoi, surtout sous la présidence de Ronald Reagan, puis dans une moindre mesure sous celle de George Bush Senior, les Américains se sont tellement impliqués dans cette sale guerre. Alors, le livre blanc disait vrai. Il y avait réellement une intervention étrangère au Salvador, mais c'était celle des États-Unis.